Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's a pity. We've come to the end of a marvelous night. I would like to thank you all for your presence here, and please do come back. Thank you. Bye-bye. Coé, pour avoir critiqué l'église, madame et la boucherie, le tribunal. Ah, quoi? J'ai fait tout ça, moi? Non, vous êtes... Ah, peut-être, oui. Et puis merde, après tout, je fais ce que je veux. Vous avez des ennemis, tant mieux. Vous allez en avoir encore beaucoup plus dans un instant. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Ça, c'est de la musique de fou, hein. Oh là là là, la tête que t'as, toi. Allons! C'est un petit peu fort. Accroche, au revoir. Ah oui, d'accord. Sur les flancs. Non. Oh, immonde. Je vous laisse là, je vais vomir, merci. You don't understand what I say? No, I don't. You don't understand what I say? Non, bah c'est pas grave. Moi aussi je t'aime. Oui, je viens de te le dire, t'as pas non plus me... Oh, ce que vous êtes désagréable quand vous vous y mettez. Tu as déjà été dans une salle de gymnastique? Alors ça... T'es chiante quand tu t'y mets, vraiment, mauvaise foi. Allô, qui est là? Oui, il est sourd. Coé, avez-vous vraiment conscience que votre comportement peut déranger? Hein? Mais si je dis du mal de vous, c'est parce que je vous aime bien, les gens que j'aime pas, je leur parle pas. Oui, mais enfin, tout de même, vous pourriez avoir... C'est ce qu'on dit. Ah, d'accord. Et vive le sport. De toute façon, Stéphane, nous avons quelques fourmis dans la vitrine. Et tu crois que c'est bien payé de faire un disque? Et à l'occasion, une connerie pareille, ça risque de marcher, hein. Do you understand what I say? No, I don't. Bonjour, je m'appelle Coé. Allô? Allô? Allô? T'es un petit peu fort. Allô? Vous avez un peu exagéré sur ce coup-là, vraiment. Allô? Oh non, pas là que je ferai la casine. Oh, ça c'est petit. Un suppôt pour Thérèse. Deux fois par jour. You don't understand what I say? Non plus, bah à l'habitude. No, I don't. Ah, j'ai chié dans la compote. Coé, je me permets de vous d'insister, avez-vous vraiment... Tu n'as rien compris du tout, hein. Tu m'énerves, toi. Je préfère encore parler avec lui qu'avec toi. Ah, un de moins. On va se faire des ennemis, hein. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Oh oui. My Taylor is rich. You don't understand what I say? Non, je pense pas, moi non plus. Vous voulez me faire un procès? Moi? Alors là, un de plus, hein, je veux dire. No, I don't. De toute façon, je m'en fous, c'est pas moi qui paye. C'est quand même beau l'anglais, on comprend rien, mais c'est beau. No, I don't. Stop! Stop! Stop! 70, le deuxième était le... Stop! Ne touche plus à rien. Peut-être apprendre le russe, j'aurais peut-être plus de chance avec ça. Comment ça, tu veux que je fasse de la télé? T'as vu ma tête?